La sexy du bon sens. Ben allez. Tu vas faire bien. Moi, je me dis, si Michaud passe au travail, il va dire pourquoi ça va. C'est pas ça que je dis. Ce que je veux dire, c'est qu'avec sa sensibilité, les problèmes psychologiques, l'insécurité, toute la cible qui a été mise sur sa personnalité pour l'affaiblir le plus possible, pour former le canard, s'il a passé à travail, lui, n'importe qui peut passer à travail. Autrement dit, si Michaud passe à travail, lui, quand il passe à travail, n'importe qui peut passer à travail. Parce que nous autres, on a été donnés les Chiasson, c'est un exemple. C'est un bon exemple, Chiasson. Bonne personnalité, bonne intelligence, équilibre psychologique. Fait que si lui, il passe, lui, elle passe. Elle passe. Comment tu veux dire? C'est ma façon de voir les choses. Parce qu'il y en a qui sont donnés des personnalités qui sont... C'est toi où je choisis, ça. Moi, j'ai un de mes amis, il était donné une personnalité, là. Tu peux rien faire. Il sait pas écrire, il sait pas compter. Tu peux rien faire. Fait que les gars qui s'en est pas un coup pendant 40 années, sa vie. Quand tous ses jumps, ses chums, c'est des ingénieurs, des architectes, des avocats. Lui, il est pas capable d'écrire. Fait que chaque fois qu'il se rencontre, comme là-dessus, ils ont toujours leur petit job. Victor, écrit dans ton nom, il est pas capable. Les gars vides. Mais, ils ont formé un canal avec lui. Tellement puissant que j'ai vu ce gars-là changer des vibrations d'un professeur à McGill en littérature. Pis c'est où le professeur qui rentre chez eux? Qui rentre chez eux. Parle-moi donc, je parle. C'est tout le temps, même si vous êtes croche, les failles dans vos personnalités, comme on disait avant, les failles sont nécessaires. C'est par là que tu parles. Mais quand t'es inconscient, tu souffres ta faille. Puis quand tu deviens conscient, tu t'aperçois que c'est un outil qui se sert. Puis après ça, la faille, elle se remplit. Puis t'en as plus de faille. Éventuellement, Michaud, il en a plus de faille. Il est bien ça. Faut qu'on en vienne tout à ça. Et qui c'est qui va nous dire, c'est tout bien pas notre ego? Notre ego, il est pogné dans la faille. On est accroché dans notre fil barbelé. Puis on s'égratigne tout le temps. Puis on s'égratigne, On essaye de tirer le fil barbelé là-dedans, puis on s'égratigne pareil. Puis le travail, il commence de longue date. Ça commence quand on est jeune. Ça commence. Quand t'arrives à 20 ans, tu te regardes. T'es pas regardable. T'arrives à 30 ans, t'es encore moins regardable. 40 ans, tu commences à perdre le souffle. Lui, il est accroché à terre. Comment ça veut dire? Monsieur qui, moi? Oui. Monsieur. Il est accroché à terre. Juste à terre, oui. Juste à temps, d'accord. Parce qu'au but, il est au bout. Ils en ont mis. Lui, il se voyait tout en envers. Tout en envers. Là, il commence à se voir en endroit. Puis sa femme commence à se voir en endroit. Fait que là, c'est normal. C'est normal. On est tous pareils, il n'y en a pas un. On parle d'obus, mais c'est plein d'obus dans le monde. On est tous des obus. Une fois qu'on explose, on est correct. C'est pas facile pour un homme de son âge. Pour les jeunes, c'est facile d'accepter de tout un champ. Mais des gens de 40 ans, là, vous, lui, moi, je vous regarde. C'est quand je regarde des gens âgés que je sens l'amour en moi. Pas les jeunes, Et c'est quand je regarde des gens âgés, là, c'est là que je sens l'amour qui descend. Mais comment ça demande de la grande humilité? Je dis pas si je suis un grand prêtre avec du grand, des grandes barbes blanches, là, pis une grande, là, c'est normal. Avec le fait que t'as une barbe blanche, tout le monde t'aime, pis tout le monde t'accepte, tout le monde. Et quand c'est un jeune moineau de quelques années, là, si vous voulez avoir 80 ans, vous parlez comme du monde. Moi, je peux faire ça à 40 ans. Fait que ça prend beaucoup, de vie. Mais c'est facile d'avoir une billetterie, hein. L'autre jour, je me faisais un petit jeu. J'ai pris une feuille de papier, puis j'ai dit, je vais essayer d'écrire ce dont je suis sûr d'être sûr. J'avais pas besoin d'un grand papier. Donc, je t'ai pas apporté avec moi, j'avais à peu près 4 pouces par 2 pouces. 2 pouces par 4 pouces. Le papier, c'est tiens. Ça me fait prendre conscience que c'est pas grand chose. Je pensais d'en savoir plus avant de l'avoir écrit. Mais t'aurais pu le résumer sur un papier en gros plus petit. Parce que quand t'es sûr d'être sûr, tu peux écrire sur un morceau de papier. Je suis sûr d'être sûr. Puis ça contient tout. Ça contient tout le reste. Parce que c'est vibratoire d'être sûr d'être sûr. C'est pas psychologique, c'est vibratoire. Ça n'a rien à faire avec la connaissance. C'est purement vibratoire. Quand t'es sûr d'être sûr, ça veut dire qu'il peut y avoir une confrontation de ton esprit et un autre esprit. Soit sur le plan humain ou sur d'autres plans. Être sûr, c'est jamais vibré dans son esprit. Quand notre esprit est confronté à un autre esprit. Ça, c'est la définition la plus absolue que je peux vous donner d'être sûr d'être sûr. C'est une forme que les autres. Hein? Mais la manière que tu dis ça, ça m'a donné comme une forme que tu détruis dans l'instantané. Dans l'instantané. Exactement. Je peux pas dire mieux que ça. Tu détruis une forme dans l'instantané. C'est par l'ego, aussi. Le bis, souvent, c'est l'ego qui se fait. Quoi? Qui détruit la forme, qui aide à détruire la forme. La forme, elle se détruit par elle-même. Moi? C'est par quand il me plaçait en évidence du réalisme, non, du réel, il la détruit. C'est vibratoire. Bon. Moi, j'ai eu des expériences dans ma vie, ma petite fille, là. Des expériences où des êtres de lumière sont venus dans mon appartement. Puis, rien qu'à les voir, ils partaient. Ils venaient, ils partaient. Ou ils venaient, puis ils restaient. S'ils restaient, c'était ça. Ah. S'ils partaient, le combat de la lumière contre les ténèbres. Ouais. Ça part. Ils peuvent pas rester. Tu sais, les hommes en noir que je parlais d'un tape, là. Ouais. J'en ai eu 14 manifestations d'hommes en noir. Ils viennent devant moi et ils font. Ils font. Toujours. Mais la vibration est type. Parce que quand t'es sûr d'être sûr, t'as aucun effort à faire. La seule position que t'as, c'est dans ton esprit. Alors, s'il y a une manifestation qui vient d'extérieur vers ton esprit, c'est à la manifestation de se manifester à ton esprit. Et non à ton esprit de forcer la compréhension de la manifestation. C'est toujours à la manifestation de te faire une salutation. Tout le temps, la manifestation à te faire une salutation. Puis si la manifestation ne peut pas te faire une salutation, elle est obligée de disparaître. Elle peut pas soutenir la vision de ton esprit. C'est là que tu sais. C'est du coup. Rien ne verra. Ouais. Tu verras de mon frère. Pas fini. Je commence. C'est impérieur à soi. C'est, exactement. C'est inférieur à soi. Quand tu es dans ce que ça, là, ils disent, tu vois, c'est logique. Mais le logique, mais que j'entends, là, ça va pas partie de l'intellect. C'est comme s'il y avait, c'est logique parce qu'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de sensibilité. Ça, on dirait que ça fait partie d'un autre planète. C'est ça. On dirait que c'est en agence avec ça, là. Mais, fallait comme je dirais à Spock, là, dans. Bon. Comment ça s'appelle, là? La patrouille du cours. Bon. La logique qu'il y a, là, lui, là, tu sais, puis c'est souvent, ça m'arrive maintenant. C'est logique. Mais pourquoi? Parce que ça fait partie de l'intellect. C'est ça. Logique mécanique. Ça fait partie des lois. Ça fait partie des lois, c'est le même. Une loi universelle. Ça m'a assez surpris, parce que un des petits moments de chaque fois que dans l'intérieur de moi, on me parle, parce que, pour dire que c'est des questions, je n'ai pas, moi, là. Vraiment, j'ai des réponses, des, du moins, des choses. Ouais. Entre lui-même. Puis je trouve ça important. Parce que là, c'est toujours aussi logique. Mais c'est, ça m'emballe pas, c'est ça, ça me met plutôt au réalisme. Oui. J'explique ça, Michel, je dis, tu es curieux, ça, le dédé. Comment que ça arrive, la vibration du mot quand tu me demandes? C'est d'autres choses que je perçois. Tu vois? C'est l'amour, la vibration de l'amour. Michel, je l'aime bien, j'aime bien tout le monde. Mais Michaud, je l'aime d'une autre façon. Tu regardes une personne, tu l'aimes d'une façon, une personne, tu l'aimes d'une autre. Il y a comme un amour là, qui est neutre. T'sais. Mais Michaud, c'est une autre vibration. Ben c'est beau comment tu dis ça, parce que chaque personne est individuelle par rapport à sa mère différemment l'un l'autre. Ils appellent ça une mère. Ouais. Mais quand tu vois qu'elle en sort, ouais, qu'elle est plus dedans, qu'elle ouais, est dehors, ouais, c'est ça l'amour. C'est pour ça qu'un autre va aussi sortir d'un... Je peux pas l'expliquer, ça. Je comprends ce que tu veux. C'est comme l'amour du père à l'enfant prodigue. C'est comme l'amour dirigé à une personne qui aurait pu facilement passer. Hmm. Ouais. Parce que l'amour, quand t'es conscient, c'est pas un amour qui part de ton ego. C'est un amour qui vient d'en haut. Pis... c'est comme si ça te lie encore plus fort à cette personne-là. Parce que la chance d'avoir passé à côté est plus grande. C'est un lien. Exactement. Ça fait pas longtemps que j'ai lu ce lien-là avec Michaud. Ça fait, je pense, ça fait depuis la fois que j'avais échappé le verre dans la maison. Parce qu'il dit que quand tu commences à aimer une quand tu commences à aimer une personne particulièrement, ce qui se produit, c'est que tu commences à... Tu commences à sentir la personne. Puis c'est ça qui fait que tu fais l'expérience de cet amour-là, de cette vibration-là. Moi, j'appelle ça, c'est la beauté de ça. Ouais. Il y a une beauté là-dedans. Il y a de la beauté là-dedans. Ouais, c'est beau. Définitivement, il y a de la beauté. Parce que c'est pas toi qui fais que tu fais rien. Non. Donc, tu vois l'autre dans sa beauté. Ouais. Là, puis, il y en sort, là. Il a passé juste comme ouais, ça. Là, puis tu sens. Ouais. Allez, bon. C'est là que tu sens la beauté dans l'autre. Mais plus on est à l'intérieur de nous-mêmes, c'est un peu à l'écoute de toi. C'est là qu'on commence à être plus conscient, conscientisé que l'autre. Ça fait partie de... Comme les qualités, les défauts. On est porté de dire, ben non, on prend jamais qualité, l'ego, on prendra pas ça, tu sais, qualité. Mais par exemple, un défaut, tu poses bien. Alors, tu vas te choquer, mais une qualité, ça, c'est plus difficile, ça veut dire que j'ai quelqu'un qui... Moi, je disais quelqu'un que si les valeurs, ils connaîtraient leurs valeurs, une qualité pour elle, j'ai accepté. Ouais, j'ai quand même un compte spécialisé. Parce que c'est une souhait, ce que je veux dire. C'est que les qualités, les défauts, en fait, il y en a pas. C'est que... Ça fait partie du doute de soi-même. Quand aussi longtemps que tu vas douter, parce que t'es pas à l'écoute de toi, aussi longtemps que tu vas douter de toi-même, ça, c'est là que, où se forment les qualités, les défauts, qu'il y a un cœur énorme, puis que... C'est juste. Un coup, ça, annulé, il n'y en a plus. Ça n'existe plus, ça. Parce que tu es en possession de toi-même. Je veux dire. Tu t'en... C'est ça, tu n'es plus tout seul. Ouais. Mais moi, là, je parle de ça parce que moi, je suis en train de me découvrir. On le découvre. Ça, on le découvre. Soigner. Ouais. En dehors? En dehors ou en ville? Je pense que ça va être en dehors. Je pense que ça va être en dehors. En plein dehors, non? Non. Non. Même si tu connais ton avenir, il faut que tu passes par le... Tu fasses tous les mouvements. Mm. Je souffre plus gros. J'ai demandé un matin, j'ai dit, quand est-ce que je vais être parfaitement heureux, c'est en 84. Est-ce que tu serais plus sûr? Oh, ben, bien des raisons. Bien des raisons. D'abord, je sais que m'avoir fini le séminaire. Ça, c'est une chose. Mm-hmm. Tu vas être bien du monde. Ouais. Ouais. Il y a d'autres choses. C'est le commencement de la fin. Ouais. Alors, on va s'en me faire écrire dans les livres. Il y a toute la... Puis il y a toute l'affaire intérieure. C'est toute la vie intérieure. Du moins qu'il ne chamballe pas, parce que souvent, quand il y a des grands cycles dans ta vie qui changent, souvent, il te chamballe de la patente, pas vraiment, tu peux te faire changer de niveau. Ben, le début de l'initiation, autant, il était aussi difficile que la fin pour moi ici. Fait que j'avais la 584 que j'y passe comme un petit moineau. Ouais. Bon, moi, je suis plus capable de souffrir, mes nerfs sont à terre. Oh, ça risque bien. Mais ce qui est difficile pour le, ce qui est difficile pour l'homme, c'est les... Le mystère des enfants de miel est tellement grand. C'est opaque. C'était pas opaque, mais là, ça serait plus facile. Mais c'est opaque, what? Sans ça, les gens feraient de l'overtime, what? C'était pas opaque. Ils sont obligés de garder des voiles, puis soulever des voiles, puis... Parce qu'on a une tendance naturelle à spiritualiser tout. Naturelle. Très forte. On spiritualise tout. Et moi, je le sais que c'est totalement... La conscience pure, c'est brutal dans son intelligence et dans sa science. C'est brutal dans sa science. Parce qu'on a été inculqué pendant 12 000 ans des concepts. 12 000 années. Wow. Une vision. Puis l'expérience réelle de l'expérience psychologique, c'est bien différent. L'expérience réelle de l'expérience sur l'écran mental, c'est deux paiements. Parce que dans le réel, tu tombes sous les lois de l'affaire. Parce que dans l'expérience du mental, tu tombes sous les lois de l'image. Fait qu'il faut absolument pas d'émotion, retardataire, pour rentrer dans le réel. Sans ça, tu peux jamais passer. Le courant passe pas. Garde, comment est-ce qu'il s'appelle? Fernand Lévesque. Il est en combat, là, avec. Il est en combat. Jusqu'à temps qu'il lâche prise. Il est toujours dans la même situation? Mais, il est en combat. Jusqu'à temps qu'il lâche prise. Ah, faut que. Ah oui. Ouais, parce qu'il est trop dans. Il est trop dans la spiritualité de sa conscience astrale. Faut que ça pète, ça. Faut qu'il en sorte complètement, ça. C'est pas facile pour lui, parce que c'est à travers ça qu'il est divin du monde, c'est à travers ça que c'est lui-même spiritualisé à sa réalité. C'est à travers ça qu'il a connu les aspects intérieurs de sa conscience astrale. C'est pas facile. On dirait que tous les gens sont donnés. On dirait que tous les gens sont donnés de facultés. Plus c'est difficile. Les gens qui n'ont pas de facultés. Un exemple comme elle, là, puis Gilles, son frère. Les gens qui n'ont jamais eu d'expérience au niveau extrasensoriel, au niveau interne, au niveau astral. Les gens qui sont rentrés là-dedans par le truchement des événements. Enfin, tout le matériel pour eux autres, ça s'applique simplement au niveau de la psychologie. Mais tout le reste, pour eux autres, ça n'existe pas. Fait que des souffrances, à ce niveau-là, ils n'ont pas. Puis peut-être dans tout le monde que je connais, c'est eux autres qui ont les vies les plus simples, les plus plaisantes, les plus fun, les plus doucereuses. Tu regardes la binette, il n'y a pas l'air d'un gars qui souffre, il n'y a pas l'air d'un gars qui a jamais souffert. Puis il est tout le temps de même, il était de même au séminaire. Puis il est le même jusqu'aujourd'hui. Fait que tu vois que les gens passent par différents sets d'expériences, puis ça mène tout au même. Fait qu'il y en a pas un de pareil. Lui, son expérience n'est pas facile parce qu'il y a eu toute une accumulation de formes dans sa vie au début, puis qui arrive petit à petit à dépasser, puis à dépasser, puis à dépasser, puis à dépasser. Puis d'abord, nos changements se font jamais instantanément. Ils se font graduellement, puis graduellement, puis graduellement, puis graduellement, puis graduellement, puis encore graduellement, puis encore graduellement. Jusqu'à temps qu'on sente une certaine densité. Une certaine densité. Jusqu'à quel point la densité peut être illusive, ça dépend de chaque individu. L'autre jour, je me suis demandé quelque chose, mais je devrais peut-être pas te la demander parce que tu ne me répondras pas. Je ne demande pas à un vendeur de parler contre sa marchandise. Ce qui m'est venu, c'est si tu n'utiliserais pas de demi-vérité, en donnant comme instruction, là, de façon à nous faire passer d'une certaine étape, qu'au début, tu as peut-être utilisé des demi-vérités plutôt que d'y aller carrément avec la réalité. C'est quoi la question?

sans ça, tu seras comme un légume. S'il me parlera jamais, tu seras comme un légume. Imagine-toi qu'il me parlera jamais, j'aurai toujours la tête vide. C'est la nature même, c'est la nature même de l'universel d'informer les plans inférieurs. Fait qu'il m'est fort. Je fais une patate, moi, ici. Je suis pas avec un corps physique, des émotions quelque part, puis d'un mental quelque part. Faut que ça fonctionne, faut que ça vibre, cette émotion-là ou ce mental-là. Alors, le mental, quand tu vibres, qu'est-ce qui se passe? C'est la communication. Sans ça, tu seras dans le vide tout le temps. C'est bien beau être dans le vide, te reposer, mais à un certain moment, tu veux savoir ce qui se passe en France, tu lui demandes, puis il te le dit. Parce que, il y a une activité de l'esprit, ici, qui se passe. Je suis pas dans les terres, je sais. Alors, c'est l'homme des planétaires et de l'ajustement de pensée et cosmique. On pourrait-tu dire que l'âme, c'est le soleil? C'est pas vrai. Tu en es venu cette semaine bien clair. C'est pas vrai. Le corps, est, c'est pas vrai. L'homme est fait avec les éléments de la planète, j'ai dit ça. Puis j'ai dit, l'ajusteur de pensée, c'est notre partie pré-personnelle, notre partie cosmique. Je sais que l'âme fait le lien entre les deux. C'est pas bête. Que l'âme est solaire. Ouais. Seulement ça se développe sans vous, c'est pas bête. Quand c'est pas bête, ça veut dire que je peux parler de continuer puis sortir d'autres choses. C'est intéressant. On peut partir d'un point et développer un dernier stage. Et ça marche, là, les mondes? Bernard, qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis « voilà, et deux fois femme me sont différents? » J'ai déjà dit ça. Oui, je peux pas t'en dire plus. Tu veux-tu dire autre chose? J'ai dit. L'homme et deux fois femme me sont différents. L'homme et deux fois femme me sont différents. J'ai fini, là, faut que je m'en aille. Je suis revenu. Il y a rien 3h25. Faut qu'ils mettent un stop sans ça. Ça te reste seul. La première fois, m'en parle. Mais ça m'empêche pas de dire. Non. Ah, c'est bien fun. Quand aujourd'hui, vous essayez de comprendre, autant un jour, vous ne pourrez plus essayer. Il dit quand vous pourrez plus essayer de comprendre. Vous allez seulement parler ce que vous savez. Ça fait des calmes. Vous avez la tête vide. Ouais. Mais il n'y aurait plus d'activité dans le mental inférieur de l'ego. Question. Non. C'est d'ailleurs, ça doit être commencé. Le processus commence. Mm. Ça avance, vous avancez, moins vous êtes intelligent. C'est pas des examens avec ça, ça marche pas trop.